Le vent d'ouest avait jusqu'alors favorisé la marche des yachts, mais depuis quelques jours, il montrait une tendance à diminuer. Le 13 décembre, il tomba tout à fait. Le Duncan, sans sa puissante hélice, eût été enchaîné par les calmes de l'océan. « Votre honneur, » dit John Mangles, « nous naviguons sur la limite des moussons qui, d'octobre à avril, soufflent du nord. »« Vous craignez le mauvais temps ?» dit Glenarvan. « Oui, » répondit le capitaine, « je le dis à votre honneur, mais je ne voudrais pas effrayer Lady Glenarvan et Miss Grant. » Des menaces certaines de gros temps. Depuis 2 jours, le baromètre baisse d'une manière inquiétante. De là, une lutte des vents polaires équatoriaux qui créent des cyclones, des tornades et ces formes multiples de tempêtes contre lesquelles le navire ne lutte pas sans désavantage. John, répondit Glenarvan, le Duncan est un bâtiment solide, son capitaine un habile marin. Que l'orage vienne et nous saurons nous défendre. John resta sur le pont pendant toute la nuit. Vers 11 heures, le ciel s'encrassa dans le sud. À minuit, le vent fraîchit. L'ouragan, demanda Glenarvan à John Mangles. Pas encore, mais bientôt. Les matelots diminuèrent la surface de la voile. Puis, ses précautions prises, le capitaine donna des ordres pour passer à l'assaut de l'ouragan. Les saisines des embarcations et les amarres de la Drôme furent doublées. Il était 1 heure du matin. Lady Helena et Miss Grant, violemment secouées dans leur cabine, se hasardèrent à venir sur le pont. Le vent sifflait dans les manœuvres dormantes avec une extrême violence. Lorsque le capitaine John aperçut les passagères, il alla rapidement à elles. Mais Lady Helena entendait à peine le jeune capitaine. « Il n'y a aucun danger ?» put-elle cependant lui dire pendant une légère accalmie. « Aucun, madame, » répondit John Mangles. « Mais vous ne pouvez rester sur le pont, ni vous, Miss Mary. » Elles rentrèrent sous la dunette au moment où une vague déferlante au-dessus du tableau d'arrière fit tressaillir dans leur compartiment les vitres du capot. Les matelots se précipitèrent à leur poste de manœuvre. Les drisses furent larguées, les cargues pesées, les focs à les bas, avec un bruit qui dominait celui du ciel. Glenarvan, le major Paganel et Robert contemplaient, avec une admiration mêlée d'effroi, cette lutte du Duncan contre les flots, et regardaient les bandes de pétrels sataniques, ces funèbres oiseaux des tempêtes qui se jouaient dans les vents déchaînés. En ce moment, un sifflement assourdissant se fit entendre au-dessus des bruits de l'ouragan. « Qu'y a-t-il ? » s'écria John Mangles. « Le navire se couche, » répondit Tom Austin. « À la machine » cria-t-il. John se précipita vers la machine et s'affala par l'échelle. Les pistons étaient immobiles dans les cylindres. L'hélice ne pouvait marcher. John devait donc en revenir à ses voiles et chercher un auxiliaire dans ce vent qui s'était fait son plus dangereux ennemi. Il remonta et dit en 2 mots la situation à Lord Glenarvan. Puis il le pressa de rentrer dans la dunette avec les autres passagers. « Rentrez, rentrez, milord, il le faut. Il y a une circonstance où je suis le maître à bord. Retirez-vous, je le veux. » Il quitta donc le pont. Le yacht, doué de grandes qualités nautiques, évolua comme un cheval rapide qui sent l'éperon, et il prêta le flanc aux lames envahissantes. Le reste de la nuit se passa dans cette situation.